ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, la guerre des deux roses en Angleterre. C'est que le grand Walter Scott qui donne au Moyen-Âge tout son lustre sur le plan littéraire au début du 19e siècle et va utiliser l'expression très imagée qui est restée de guerre de deux roses pour parler de ce conflit entre la maison d'York et la maison de Lancastre. Donc la maison d'York a une rose blanche, la maison de Lancastre a une rose rouge, et les Tudors vont avoir une rose bicolore qui incorporera le rouge et le blanc. L'historien Bernard Cotteret à l'émission Les Grands Entretiens en février 2020, une émission présentée à Storia Voce, une web radio française consacrée à l'histoire. Trois roses suffisent à résumer à elles seules l'une des pages les plus importantes de toute l'histoire d'Angleterre, la rose rouge de la dynastie des Lancastre, la rose blanche de la dynastie des York et la rose Tudor qui va donc incorporer les couleurs des deux autres roses au terme de cette guerre qu'on a justement appelée la guerre des deux roses, une guerre à l'issue de laquelle commence le règne des Tudor. L'Angleterre connaît une redoutable période d'instabilité politique et militaire à la fin du XVe siècle. Et donc, dans ce contexte de crise militaire, deux dynasties se font face. La dynastie d'York et la dynastie des Lancastre. Et évidemment, c'est un conflit, qui n'a pas de fin, puisqu'on peut en permanence jouer un personnage contre un autre, et donc la noblesse du pays est divisée dans ses allégeances, et le pays tout entier d'ailleurs. Et donc le grand défi pour la dynastie qui arrive, la dynastie des Tudors, qui elle-même est rattachée d'une certaine façon au Lancastre, sans être lancastrienne en tant que telle, eh bien, cette dynastie qui peut se réclamer malgré tout des Lancastres, elle doit effectivement asseoir sa légitimité et elle va l'asseoir de deux façons. Il va y avoir un petit argument dynastique en essayant de démontrer que le roi qui arrive sur le trône, effectivement, ses ancêtres, dans le fond, le conduisent tout naturellement à assumer ses responsabilités, mais c'est surtout une victoire militaire. Et donc, il y a une identification très pragmatique, très anglaise si l'on veut, entre effectivement, une victoire et une légitimité. C'est la victoire véritablement qui crée la légitimité, comme si la victoire était providentielle, c'est-à-dire comme si la victoire était voulue par Dieu. À nouveau, l'historien Bernard Cotteret, aux grands entretiens de Storia Voce, pour replonger dans l'histoire de cette guerre des deux roses, reçoit Catherine Tourangeau, historienne, spécialiste de l'histoire britannique et chercheuse postdoctorale à l'Université McGill. Catherine Tourangeau, bonjour. Bonjour. Quelle importance a cette guerre des deux roses, Catherine Tourangeau, dans l'histoire d'Angleterre? Donc, bien qu'on l'oublie souvent dans notre récit de l'histoire d'Angleterre, c'est une guerre qui a une très grande importance. D'abord, c'est une guerre civile qui s'échelonne sur une période d'environ 30 ans. C'est pas négligeable. C'est aussi une guerre qui va marquer un changement de dynastie dans la royauté britannique. Ça marque aussi une transition sociale profonde entre le Moyen-Âge et la période moderne. On y reviendra. Et ça annonce des changements politiques importants dans la façon dont l'État anglais se comporte. Ça va centraliser le pouvoir à Londres et aussi accroître considérablement le pouvoir du roi par rapport à la grande aristocratie. Donc, un moment charnière, là. L'Angleterre se transforme au terme de cette guerre des deux roses. Tout à fait. Donc, l'Angleterre qui va ressortir de la guerre sous les Tudors ne ressemblera plus à l'Angleterre médiévale. Il faut faire attention non plus, pas exagérer l'espèce de révolution de la guerre des deux roses. C'est pas une révolution, c'est une série d'évolutions. Mais effectivement, donc, ça va vraiment faire passer l'Angleterre qui sort de la guerre de Cent Ans à l'Angleterre de la Renaissance qu'on reconnaît sous Henri VIII. Principalement sous Élisabeth par la suite. Et puis la dynastie des Tudors qui émerge au terme de cette guerre-là va être une dynastie marquante, on peut dire ça tout de suite, je pense. Oui, tout à fait. Ouais. Donc, en général, c'est une des dynasties les plus connues, c'est sûr, de l'histoire d'Angleterre. Et c'est une des dynasties qui va le plus marquer la fonction du pouvoir royal et qui va le plus marquer la façon dont l'État britannique national, impérial, va se comporter. Alors, qui s'affronte dans cette guerre des deux roses? Donc, comme on l'a entendu dans les extraits, on a deux camps principaux, donc les York et les Lancaster, qui sont deux branches, dans le fond, séparées de la grande dynastie des Plantagenets qui règne sur l'Angleterre depuis quelques siècles, qui est d'extraction angevine, donc d'Anjou, en France. Et ce sont deux branches qui vont finir par être ennemies, dans le fond, par être opposées dans le conflit. Alors, on voit bien deux familles, deux clans, deux branches, au fond, de cette même famille des Plantagenets qui s'affrontent dans cette guerre des deux roses, les Lancastre et les York. Mais c'est plus compliqué. Qui est qui dans cette histoire-là? Racontez-nous ça un peu, des deux côtés, du côté des Lancastre, du côté des York. Qui sont les principaux acteurs de cette guerre des deux roses, Catherine Tourangeau? D'abord, du côté des Lancastre, le roi qui commence la guerre, c'est le roi Henri VI. Il est devenu roi à 9 ans seulement. C'est le fils du grand héros de la guerre de Cent Ans, Henri V. Donc, un roi assez faible, par contre. Donc, dans sa minorité, quand il devient roi, il y a des régents qui assurent le règne à sa place, les ducs de Somerset et ducs de York. Et à partir de l'âge de 16 ans, il commence son règne personnel. N'est jamais un roi très fort. Par contre, on a aussi sa femme beaucoup plus forte que lui au niveau politique. Qui va être déterminante, d'ailleurs. Qui va être déterminante. Ouais. Marguerite d'Anjou. En face du roi Henri VI, de sa femme Marguerite d'Anjou, on a d'abord le très important Richard, duc de York, donc qui était un des régents du roi pendant sa minorité, qui va devenir par la suite leur protecteur. On a son fils, Édouard, qui va devenir, dans des circonstances qu'on va explorer plus tard, le roi Édouard IV. Aussi, de leur côté, on a Richard Neville, le comte de Warwick, qu'on appelle le Kingmaker, donc le faiseur de roi, qui s'associe d'abord avec les York, mais va changer de côté pour supporter les Lancastre un petit peu plus tard. Et un petit peu plus tard dans la guerre, on a un personnage très important qui s'appelle Richard, qui commence la guerre comme duc de Gloucester, qui va se faire couronner Richard III. Et finalement, on a un autre personnage du côté des Lancastre, mais qui commence la guerre, disons, dans les derniers moments, Henri Tudor, donc, qui vient d'une branche cadette de la maison des Lancastre, du Pays de Galles, et qui va devenir Henri VII à la fin de la guerre. Et qui sera, au fond, le grand gagnant de cette guerre. C'est lui qui se retrouve avec la couronne entre les mains. De façon tout à fait inattendue, effectivement. Donc, c'est pas les deux grandes maisons qui s'affrontent qui vont profiter de la guerre, finalement. Ça va être une maison cadette, une maison nouvelle. Donc, les Tudors. Ouais. Alors, ça, c'est pour ce qui est des principaux personnages, puis vous allez mieux comprendre au fil du récit quel rôle occupe chacun de ces personnages. Avant de s'attaquer au déroulement comme tel de cette guerre des deux roses, un peu de contexte pour nous dire, Catherine Tourangeau, comment on en arrive à cette fameuse guerre des deux roses? Alors, les causes de la guerre sont évidemment très complexes. Il y a beaucoup de facteurs qui sont en jeu. Un premier facteur vraiment important, c'est la fin de la guerre de Cent Ans, qui est une défaite assez dure pour l'Angleterre. Donc, dans ce contexte-là, c'est sûr qu'on a une instabilité politique. On a besoin d'un leader fort à la tête du pays. C'est pas exactement ce qui se passe. Mm-hmm. Donc, on a un roi plutôt faible, Henri VI, qui, bon, est très jeune encore à ce moment-là et qui commence à développer des symptômes de folie. C'est comme ça qu'on l'a décrit dans l'histoire. Les historiens aujourd'hui pensent que c'est une forme de schizophrénie catatonique. Donc, des moments de folie, des moments où il va un peu mieux. Et on l'appelle le roi fou. On l'appelle le roi fou, vraiment. Ouais. Et tout ça, ça se passe dans un contexte où plusieurs historiens ont parlé d'une dégénérescence ou d'une bâtardisation du féodalisme. Donc, le modèle de féodalisme classique qui est en train de se désintégrer un peu et qui permet l'émergence de plusieurs petits leaders politiques et militaires à travers le pays. Donc, une espèce de fractionnement du pouvoir militaire et politique qui fait en sorte, dans un contexte d'instabilité, qu'une guerre va se déclencher. Parce qu'il y a beaucoup d'insatisfaction. Pour deux raisons, essentiellement, vous le disiez, les Anglais ont subi une défaite face aux Français dans cette guerre de Cent Ans. Donc déjà ça ébranle le royaume, ça ébranle l'Angleterre. Et puis, en parallèle à ça, ce roi très faible. Donc, insatisfaction, on veut quelqu'un d'autre à la tête du pays. Ce qui fait qu'il y aura cette guerre qui va se déclencher et qui va opposer ces deux clans des Lancastre et le clan du roi et des York. On associe généralement le début officiel de la guerre des deux roses à la bataille de Saint-Alban. Cette bataille-là a lieu le 22 mai 1455. La guerre est inévitable dès lors que chaque groupe tente d'établir sa suprématie. Le 22 mai 1455, une armée composée d'environ 3 000 hommes appartenant à la dynastie des York arrive à Saint-Alban, où 2000 hommes de l'armée royale l'attendent de pied ferme. L'instant de vérité est arrivé. Toute tentative de négociation est inutile. La confrontation est inévitable. Bien qu'en infériorité numérique, les soldats du roi présentent une bonne défense, tandis que dans les venelles étroites des villes, les troupes de Richard d'York sont au contraire désavantagées par leur nombre. En combat rapproché, ces derniers subissent une pluie de flèches et sont incapables d'attaquer en masse. En outre, ils n'ont pas la place de se battre dans les rues étroites. Au milieu de tant de confusion et de frustration, les flèches ricochent sur les murs et les rues pavées. Les soldats sont immobilisés. L'échec sape le moral des troupes yorkistes. En attendant, dans le centre de Saint-Alban, les soldats du roi luttent avec courage et sont sûrs de la victoire. Mais soudain, une vague de soldats de York débouche des ruelles. En effet, en passant par les jardins situés en contrebas de la ville, ces hommes et lui parviennent à atteindre les maisons qui entourent la place principale sans éveiller les soupçons. Ils réussissent à prendre par surprise le noyau dur de la défense des Lancastres. Ils fondent sur les chevaliers stupéfaits avant de se concentrer sur leur chef, qu'ils égorgent de leur hallebarde. Le roi reçoit un carreau d'arbalète dans l'épaule et se réfugie dans la maison d'un tanneur, tandis que la résistance des forces royales s'effondre. Extrait de la traduction française du documentaire Medieval Warfare, The War of the Roses, consacré à la guerre des deux roses, un documentaire réalisé en 2001. On associe généralement à Catherine Tourangeau le début officiel de cette guerre des deux roses à cette bataille de Saint-Alban le 22 mai 1455. Comment expliquer d'abord la victoire des York ce jour-là et pourquoi cette bataille-là, en quoi cette bataille-là est-elle si importante? D'abord, la bataille est importante, évidemment, parce que c'est la première bataille de la guerre, donc le premier engagement armé. Donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on considère qu'il y a vraiment une guerre. La victoire des York est assurée principalement par le génie militaire de Richard Neville, le duc de Warwick, que j'ai mentionné tout à l'heure, qu'on se met à appeler le Kingmaker, donc le faiseur de roi, vraiment, qui est un joueur très important du côté des York. Et la bataille est importante aussi parce que les Yorkistes arrivent à tuer le duc de Somerset, qui est un des principaux conseillers du roi, qui a assuré sa régence aussi quand il était mineur. Et ils capturent le roi Henri VI. Déjà, ça part bien du côté des York. Donc, c'est la première phase vraiment de la guerre qui commence à ce moment-là. Le duc York va rendre sa liberté au roi, mais va lui endosser le titre de Lord Protecteur, qu'il avait déjà assumé brièvement par le passé. La reine Marguerite, donc la femme du roi, n'est pas très contente du développement. Donc, va marcher sur Londres, va convoquer un parlement qu'on va appeler le Parlement des Diables, qui est entièrement composé de supporters de la cause des Lancastres. Et ce parlement-là va exiger l'exil du duc de York, donc vont condamner ses actions, l'exiler en Irlande. Ça ne durera pas très longtemps. Donc, le comte de Warwick, qui est toujours présent, le Kingmaker, va défaire le roi à nouveau à la bataille de Northampton en 1460. Le duc de York va revenir de son exil d'Irlande. Il va y avoir un bref compromis où le Parlement va promettre à York la couronne. Donc, en fait, pas à lui, mais à ses héritiers. Donc, lui ne deviendra pas roi. C'est ce qu'il voulait. Finalement, ça ne se passera pas. Mais ses héritiers vont avoir droit à la couronne. C'est quand même important. Puis, une autre bataille, la bataille de Wakefield, très importante. Le duc de York décède à cette bataille-là. Et c'est son fils, donc Édouard, qui va devenir Édouard IV, qui va se faire couronner en fonction du compromis qui avait été fait avec son père. Donc, en fait, une première bataille qui, techniquement, les York, à ce moment-là, à Saint-Alban, sont en position de puissance et de pouvoir, mais le roi, avec toutes ces manœuvres que vous avez décrites, réussit à se maintenir en place, mais avec cette promesse de passer la couronne aux enfants, dans le fond, à la descendance du duc de York. Ouais. Bon, là, c'est sûr que Henri VI ne se maintient pas très longtemps non plus sur le trône par la suite, puisque c'est Édouard IV de York qui va prendre la couronne et qui va par la suite, d'ailleurs, continuer sa campagne contre les Lancastres, défaire les Lancastres pour de bon en 1461 à la bataille de Taunton. Il écrase vraiment les Lancastres à ce moment-là et assoit le pouvoir des York pendant une période qui va durer presque 15 ans. Voilà, parce que ça, c'est la première période, mais qu'effectivement, tout ça s'échelonne sur une quinzaine d'années, où essentiellement, donc, les York réussissent à se retrouver à la tête du royaume. On assiste à une courte, puis c'est pas fini, évidemment, on assiste à une courte parenthèse à l'avantage des Lancastre dans cette guerre des Deux Roses entre, quoi, 1469 et 1471. Exactement. Et ce qui cause cette espèce de petite parenthèse Lancastre, c'est là que l'histoire se complexifie un petit peu. C'est un mariage secret contracté entre Édouard IV, donc le fils du duc de York, et Elizabeth Woodville, qui était une supporteur connue des Lancastre, donc de l'autre côté. Quand le mariage devient connu, il y a beaucoup de supporters des York qui vont quitter, dans le fond, la cause et se retourner vers les Lancastre, notamment le fameux Kingmaker, le comte de Warwick, qui va retrouver la femme donc, du roi déchu et avec elle, de France, monter une riposte. Ils vont même avoir le support de certains Français, notamment le duc de Bourgogne, Charles le Téméraire, très, très puissant. Donc, vont revenir en Angleterre affronter Édouard IV. Ils semblent avoir le dessus pendant un certain moment, mais ça ne dure pas. Donc, les York reviennent en force avec la bataille de Barnet en 1471. Et alors, le comte de Warwick meurt, donc le Kingmaker décède. Quelques temps après, le roi Henri VI, en fait, l'ex-roi Henri VI, est assassiné à la Tour de Londres où il était prisonnier. Il va encore avoir une période de paix relative pendant une dizaine d'années, et puis les hostilités vont reprendre seulement en 1483. À ce moment-là, Édouard IV meurt de façon soudaine, donc un petit peu inexpliquée, on ne sait pas ce qui s'est passé exactement. Et c'est son petit frère, Richard, duc de Gloucester, qui va prendre la couronne. Et pourtant, le roi avait des enfants, avait deux petits garçons, mais c'est son frère qui prend la couronne dans des circonstances un peu lugubres où il fait emprisonner les deux petits garçons à la Tour de Londres et ils sont assassinés dans des circonstances un peu nébuleuses. Donc, ça provoque une levée de boucliers, encore une fois, du côté des Lancastre qui vont riposter, mais cette fois-ci, ils ont engagé le très important Henri Tudor, dans le fond, puisque leurs grands leaders ont tous été tués dans les années précédentes. Ils vont chercher donc un Tudor qui fait partie d'une branche mineure de la maison de Lancastre, donc par alliance, qui vient du Pays de Galles. Donc, ils vont le chercher quand même assez loin. Et c'est lui qui va mener, dans le fond, le dernier engagement à la bataille de Bosworth contre Richard III. Richard III va mourir à la bataille de Bosworth, donc c'est la fin de la dynastie des York. Henri Tudor donc, va se faire couronner Henri VII et de façon très importante, va marier Elizabeth de York, donc une dernière grande représentante de la maison de York, de façon à vraiment mettre fin à la guerre. Il va encore avoir quelques petits engagements jusqu'à 1487, mais on peut dire qu'à partir de 1485, 86, 87, la guerre est vraiment finie et ne reprendra plus. Et c'est une nouvelle ère, donc, qui commence, celle de la dynastie des Tudor, mais qui, assez clairement, encore une fois, et si on essaie de revenir à ce clivage entre York et Lancastre, on peut presque dire que c'est les Lancastre, au fond, mais par cette branche des Tudor qui gagne cette guerre des Deux Roses. Effectivement. Donc, la guerre a commencé avec les Lancastre, va finir avec les Lancastre, mais à un moment où les deux branches, dans le fond, ne veulent plus vraiment rien dire, où le conflit dynastique n'a plus de raison d'être avec les Tudor. Et on le voit notamment dans la formation de la Rose Tudor, coup de propagande vraiment brillant de la part d'Henri VIII, qui unit vraiment la Rose blanche de York et la Rose rouge de Lancastre. Ouais. Donc, un mariage qui réconcilie tout le monde et l'amalgame de ces deux roses, de ces deux emblèmes des familles qui s'affrontaient dans une nouvelle rose qui réconcilie tout le monde. C'est un petit peu ça, le message. Cela dit, ça a duré longtemps, cette guerre des deux roses. Il y a des portions de la guerre, vous nous l'avez bien démontré, qui sont carrément, qui relèvent de la guerre civile. Ça laisse le royaume, le pays, dans quel état à l'issue de cette guerre-là? Dans l'ensemble, le pays se porte quand même plutôt bien. Ce qui a vraiment changé, c'est d'abord le changement de dynastie, aussi un changement dans la culture politique de l'Angleterre qui est assez importante. On a une couronne qui est plus anglaise que jamais. Richard III est le premier roi qui a prêté serment en anglais, faut quand même le dire. Et Henri Tudor, même s'il vient du Pays de Galles, va créer un style de monarchie, une forme de monarchie beaucoup plus anglaise que jamais depuis le 11e siècle, depuis Guillaume le Conquérant. Il va aussi renforcer énormément le pouvoir royal. Donc, évidemment, comme la guerre a effacé de la carte beaucoup des grands aristocrates, des grands leaders militaires et politiques, le roi va s'assurer de consolider le pouvoir autour de la couronne. Il va déplacer le centre du pouvoir à Londres et vraiment asseoir le pouvoir à Londres. Il va aussi jeter les bases d'un État qui commence à s'approcher d'un État moderne, ouais, qu'on connaît. Donc, affaiblir considérablement le pouvoir du Parlement, qui jusqu'à la fin du 14e siècle avait quand même le pouvoir de déposer les conseillers des rois, déposer les rois, là, le fameux impeachment, mm-hmm, dont on parle aujourd'hui. Donc, renforcer le pouvoir du roi, de la monarchie de façon générale par rapport à la grande aristocratie, et aussi consolider tout le pouvoir politique et royal. Donc, la centralisation et la consolidation, ouais, c'est vraiment ce que Henri VII va faire et ce que son fils, par la suite, Henri VIII, et sa fille, Élisabeth, vont faire encore davantage. Donc, un recul, au fond, par rapport à cette époque, est-ce courant, à un moment donné, de la Magna Carta, tout ça, qui fait que la Chambre, les parlementaires ont plus de pouvoir, et là, oups, l'équilibre rebascule du côté de la couronne, de la monarchie. On le disait au tout début, Catherine Torrangeau, cette guerre-là, elle est importante dans l'histoire d'Angleterre, puis elle laissera vraiment énormément de traces dans la culture populaire. À preuve, Shakespeare va écrire rien de moins que 8 pièces autour de cette guerre. Since this earth affords no joy to me, but to command, to check, to order such as are of better person than myself, I'll make my heaven to dream upon the crown, and whiles I live to account this world but hell, until this misshaped trunk that bears this head be round impaled with a glorious. Extrait du film Richard III de et avec Laurence Olivier, un film qui date de 1955. 8 pièces donc, pour Shakespeare seulement, mais il y a beaucoup plus que ça, Catherine Tourangeau. Les traces dans la culture populaire, dans l'imaginaire collectif britannique liées à cette guerre des Deux Roses sont innombrables. Oui, ça dure vraiment jusqu'aujourd'hui. C'est intéressant que Shakespeare ait été le premier auteur à s'approprier la guerre des Deux Roses parce qu'il l'a fait sous le règne d'Élisabeth, donc qui évidemment descendait donc du grand vainqueur de la guerre des Deux Roses, Henri Tudor. Donc, il y avait un aspect très propagandiste, ouais, dans la façon dont Shakespeare a traité les guerres des Deux Roses et ses grands personnages, et aussi fixé certains archétypes importants, notamment Richard III. Il faut se rappeler que Shakespeare aussi était contemporain de Machiavel. Donc, dans l'imaginaire politique britannique, c'est sûr que c'est la figure de Richard III qui représente cette espèce de prince machiavélique. Et ça a laissé des traces jusqu'à aujourd'hui. C'est sûr que la série Game of Thrones, dont la prémisse est inspirée de la guerre des Deux Roses, on peut reconnaître même dans la sonorité York, Lancaster, les grandes, oui, familles de Game of Thrones, Stark, Lannister. C'est une guerre qui est à la fois très ancienne, très méconnue, très poussiéreuse à certains égards, mm-hmm, mais qui est aussi très contemporaine dans la mesure où on y retrouve des grands archétypes de l'imaginaire anglo-saxon en général. C'est de la bonne matière dramatique. Il y a tout là-dedans. Les mariages secrets, puis, ouais, les assassinats des petits princes dans la tour de Londres. Oui. Catherine Tourangeau, chercheuse postdoctorale au département d'histoire et d'études classiques de l'Université McGill, merci beaucoup. Merci à vous. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Si Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.